kiki. Comme à l'ancien. Plus de scène, frère. Flow, à putain de sang. Lance, Brahms. Ok. J'ai pris tellement d'écart. Comme souhaite l'écart tellement. Les 10 gars sans nous sont perdus dans la forêt. Dis-moi, j'ai la notice. Appelle la police, ouais. Dis-leur que la main de maître à eux tout seul c'est le fils. MC, dégaré comme un shit. MC marocain, je suis venu bigrave mon shit. Ne t'en pas une bonne meuf, un violeur. Un mur, un attaqueur, un T-Max, un voleur. Je vais te faire tourner en bourrique. Beaucoup de crews vont fermer boutique. C'est Mister Tic. Appelle-moi ça l'arabe, le rap, rien à foutre de tout ça. La rue me kiffe, elle me fait toujours des poussas. Jusqu'au Canada, j'arrête pas de canarder. Mes putains affiches chez moi même qui les a placardées. J'pose à la Slim Shady. Des putains de rimes, on remballe ton vieux slam. Maintenant tu es. Qui contrôle le 11, qui contrôle le rap, qui contrôle les petites frappes. Maintenant tu es. Qui ramène à patate, mentalité Bagdad, rap pour style d'arabe. Maintenant tu es. Qui contrôle le 11, qui contrôle le rap, qui contrôle les petites frappes. Maintenant tu es. Qui ramène à patate, mentalité Bagdad, rap pour style d'arabe. Je dirais du trône frère. Soit disant des amis, alors venez pas me dire Luxen, fais croquer la famille. Je me suis fait tout seul, avancer tout seul, pour percer tout seul. Donc, sur moi n'est pas le seul, muslim. Ce que je bigrave, c'est mes rimes. Inch'Allah, la baraka pour toi, c'est dernine. Parle pas sur nos faces, tu les écoutes en boucle. On t'a cramé, maintenant tu sais, va te faire foutre. C'est quand tu vas mal que tes proches te lâchent. Fils de lâche, t'en prends conscience en prenant de l'âge. Est-ce que tu sais que trop de rappeurs font les mythos? Les mecs font les mythos. Pour vendre pour nicheto, c'est pour MAD. Bruce Lee et Chubby qui défonce à la boxe, qui défonce au fight free. J'ai le vague à l'âme parce que dans ma tête c'est Bagdad. Rap de Paname, lyrique sorti de la cave. Qui contrôle le 11, qui contrôle le rap, qui contrôle les petites frappes. Maintenant tu es. Qui ramène à patate, mentalité Bagdad, rap pour style d'arabe. Maintenant tu es. Qui contrôle le 11, qui contrôle le rap, qui contrôle les petites frappes. Maintenant tu es. Qui ramène à patate, mentalité Bagdad, rap pour style d'arabe. Maintenant tu es. Qui contrôle le 11, qui contrôle le rap, qui contrôle les petites frappes. Maintenant tu es. Qui ramène à patate, mentalité Bagdad, rap pour style d'arabe. Maintenant tu es. Qui contrôle le 11, qui contrôle le rap, qui contrôle les petites frappes. Maintenant tu es. Qui ramène à patate, mentalité Bagdad, rap pour style d'arabe.